J'ai toujours dit que Luc Brodeur-Jourdain était fait pour les communications et là, ben, pour les médias. Et là, ben, en fin de semaine, j'ai décidé de l'appeler parce que les Alouettes sont éliminées pour analyser la Coupe Grey entre les Tiger Cats de Hamilton et les Blue Bombers de Winnipeg. Salut Luc! Bonjour. Ça va bien, Luc, effectivement. Donc, j'ai toujours dit que tu étais fait pour les médias. Donc, tu as décidé d'aller dans le coaching, mais quand même, tu es fait pour les médias pareil. Puis, j'ai décidé de t'appeler. D'entrée de jeu, j'ai deux, trois questions. J'ai pas fait le bilan des Alouettes avec. On devait le faire avec Danny Machocha. Ça a été, il y a eu un problème de conflit d'horaire. Je vais le faire un peu avec toi. C'est une saison assez bizarre chez les Alouettes, hein? J'ai l'impression que vous aviez comme l'impression que vous pourriez être là à Coupe Grey. Vous aviez le talent pour être à la Coupe Grey. Ah, c'est pas une impression. Hein? J'ai pas l'impression qu'on aurait dû être à Coupe Grey. Je le sais au fort, vraiment en dedans de moi. On avait le groupe pour l'effectuer, on avait l'équipe pour le faire. La réalité, c'est qu'il fallait passer notre bête noire. Puis notre bête noire, ben, durant tout au long de la saison, puis même à l'exception peut-être du match de 2019, qui était le match de ma retraite, où est-ce que je pense qu'il y a... On a affiché une faiblesse des Tiger Cats Hamilton cette journée-là en courant le ballon pour 230 quelques verges au sol avec stand-back. Puis à partir de ce moment-là, si on regarde vraiment sur les bandes vidéo tout ce qui s'est passé au sein des Tiger Cats Hamilton, il y a quelque chose qui s'est changé, qui a changé à partir de ce match-là. Et ils ont adopté une nouvelle tactique défensive qui est difficile. Qui est vraiment difficile en premier essai, dès que tu embarques un centre arrière sur le terrain, dès que tu as du personnel ou que tu ajoutes de la masse par rapport à ta formation offensive, les Tiger Cats sont parvenus à avoir comment dire, une identité défensive qui arrive à contrer ce qu'on fait, nous, en tant qu'Alouette. Et puis, c'est pour moi, c'est le challenge de 2021-2022. Mais Je vais dans, trouver la solution, si, si tu me puis fais je veux les allusion au battre. match contre Hamilton, la demi-finale de l'Est, c'est pas compliqué. C'est votre plan de match, c'était quoi? C'était William Stenback. Et quand tu tires de l'arrière 20 à 3, ben, tu peux pas utiliser Stenback. Tu dois utiliser, donc, tu dois au moins le retirer. Est-ce que c'est ça que, est-ce que je me trompe en disant ça? 20 à 3, pour moi, ça n'a jamais été extrême. Dans la OK. Ligue canadienne, même au Ouais, c'est quatrième sûr quart, ce n'est que. pas extrême. Non, c'est sûr. Hein? C'est ça la Dans beauté. un contexte de la Ligue canadienne de football, si à 20 à 3, tu penses que le match est terminé, Non, mais tu peux moins utiliser stand-back, par exemple. Ah, ben, c'est de réussir à être performant avec stand-back. Tu Ouais. sais, c'est de réussir à démontrer que tu vas aller chercher 6 verges, 7 verges à portée et qui fait en sorte que peu importe la situation, peu importe que tu sois en premier essai, deuxième essai, premier essai ou deuxième essai est long. Si tu es en mesure de dire que je suis capable d'aller chercher 7 verges par portée, tu vas l'appeler le jeu. Tu vas le faire. Donc, pour moi, quand le score ou quand le pointage était 20 à 3, je voyais pas encore comment dire, le sentiment de dire qu'on devrait bifurquer ou négliger notre jeu au sol, qui a été comme, en quelque sorte, si on veut, la réussite de la saison 2021. Notre jeu au sol est extrêmement efficient, mais ultimement, contre les Tiger Cats, il ne l'a pas été. Ensuite, on était surpris d'apprendre que durant le bilan, que la discipline des Alouettes en dehors du terrain, ça laissait à désirer. J'étais un peu surpris d'apprendre ça. Parce que ça aurait dû rester off the record puis de régler ça au lieu de sortir ça publiquement. Est-ce que je me trompe? Premièrement, la discipline hors terrain. Des joueurs qui arrivent en retard, des joueurs qui pratiquent. Tu sais, c'est des Ben, choses qu'on c'est pas, n'aurait pas dû c'est. savoir comme public. Est-ce que. Non? Si, ben, personnellement, moi, Ouais. si j'avais identifié le nombre de fois que c'est arrivé dans la saison, ça se limiterait peut-être à sur une saison qui a été quand même de probablement 180 jours pratiquement. Ouais. Les absences que j'ai notées par rapport à peu importe la raison, que ce soit parce que ta conjointe accouche ou vraiment là, j'englobe les présences, si on veut, au niveau quotidien, ça va se limiter peut-être à une dizaine de fois là, sur un club de 70 personnes. OK. Mais il me J'ai semble, pas by the way, on observé l'a des gens. entendu. Mais Luc, on l'a entendu, ça. Et moi, je me semble que je me fais l'avocat du diable. Il me semble que ça aurait dû se régler entre nous, dans l'équipe, au lieu que ça sorte publiquement. Je sais pas, je pose la question de même. C'est une question que je pose. J'aimerais te répondre puis te dire, ah oui, ça s'est réglé. OK. Mais j'ai pas eu l'impression personnellement, moi, qu'il y a eu un laisser-aller à cet égard. OK. Ou comme quoi les Ben, c'est parce choses que, étaient comme on dit, passées ce que faiblement. Danny Machocha, puis je vais le dire à Danny, ce que Danny, ça, en fait, il disait ça dans le sens que Kerry Jones devrait améliorer ça, il devrait avoir plus de rigueur là-dessus, les pratiques devront être peut-être plus intenses. Tu l'as entendu, Luc, ça, c'est pas des affaires que c'est pas nouveau pour Oui, toi, là? je l'ai entendu. Là où est-ce que j'acquiesce, c'est qu'il y a un sens de la responsabilité qui doit être inculqué par rapport aux Ouais. décisions personnelles. Lorsque tu as une décision personnelle, puis que ça affecte, mettons, en considération la qualité du produit sur le terrain, la qualité de la ristourne sur investissement de l'équipe, il faut que tu en payes le prix individuellement. Parce que si tu ne priorises pas l'équipe, si tu ne priorises pas puis ultimement, tu sais, ça te priorise toi aussi, parce qu'il y a le football des séries éliminatoires, qui faut le dire, assister, ben pas assister, mais disputer le match de la Coupe Grey, pour n'importe quel joueur dans la Ligue canadienne, incluant aussi les quarts arrière qui sont là, avec les salaires, les meilleurs salaires de la Ligue, c'est un apport important, sur ton revenu individuel. Si tu ne priorises pas comment dire, l'équipe en premier, tu ne priorises pas l'équipe, ça fait en sorte que tu te nuis toi-même. Parce que si ton équipe, plus loin ton équipe va se rendre, meilleur tu devrais t'en sortir individuellement. OK. Alors, Luc, je t'appelais pas nécessairement pour ça, je t'appelais pour la Coupe Grey. Donc, ça a lieu dimanche, la 108e Coupe Grey. J'ai parlé avec Shane Gauthier. Shane Gauthier, qui est un gars de notre ville, Oui. qui est un gars de notre coin, donc il va participer à cette deuxième classique. Le match est à Hamilton. Est-ce que c'est un avantage, sûrement? Shane, lui, il disait que c'est moins pire que jouer un match à l'extérieur, parce qu'il va y avoir des gens de Winnipeg qui vont être là. Est-ce qu'il faut donner un avantage quand même au Tiger Cats, le fait que c'est à domicile? Assurément, il y a un avantage par rapport Ouais. au bruit de la foule. Ouais, OK. Et je vais l'identifier simplement pour ça. Mais également, aussi, ce qu'il faut mettre en perspective, c'est que lorsque l'équipe hôte de la Coupe Grey était en fait aussi également une équipe locale, ça crée une certaine animosité également quand tu vas simplement te nourrir en tant que joueur. OK. C'est-à-dire que tout au long de la semaine, quand tu vas aller au petit restaurant, quand tu vas aller à la petite épicerie, tu sais, c'est comme naturel de porter tes couleurs tout au long de la semaine, parce que tu sais, c'est pas écrit dans le visage de tout le monde de dire, je suis un joueur des Blue Bombers de Winnipeg, mais ils vont devoir se déplacer puis aller souper puis vivre des événements à droite et à gauche. Les gens vont les féliciter puis tout, mais il y a tout le temps du monde qui vont passer à côté de toi et vont dire, Go Ticats! Go Ticats! Tu sais, Ouais. puis c'est juste normal, tu sais. Puis même à l'intérieur de l'hôtel, à l'endroit où est-ce qu'ils vivent, peu importe à l'endroit où tu te retrouves, tu vas vivre ce genre d'adversité-là. Puis moi, tu sais, personnellement, l'endroit où est-ce que je l'ai le plus vécu, ce genre de situation-là, c'était lors de ma Coupe Vanier avec le Rouge et Or de l'Université Laval contre les Huskies de la Saskatchewan. T'as Et on était à Saskatchewan. Saskatoon. Ouais. C'était un temps qu'il On était à faisait froid, je me Saskatoon. rappelais. Il faisait combien Ah de temps? oui, Il faisait moins le 20. kick-off, moins 27, je En pense, moins au kick-off. 27, c'était un. Ah, je m'en rappelle de cette classique-là. C'était très, Oui. très froid, m'a dit dans l'affaire. En 2006, j'ai Ouais. vécu ça, puis tout au long de la semaine, les gens étaient extrêmement, numéro un, les Saskatchewanais, ben, les Saskatoonais, les gens de Saskatoon, on était très bien accueillis. Il n'y avait rien à dire là-dessus, mais il y avait tout le temps un petit go Huskies à la fin. Un petit go à ski. C'est sûr, c'est sûr. Dis-moi, on a confirmé que c'est Dwayne Evans qui sera au poste de corps. Chance qu'on l'a eu en deuxième demi du côté des Tiger Cats, puisque la première demi, Mazzoli, je me mets entre les deux. Mazzoli a été, Jeremiah Mazzoli. Jeremiah Mazzoli a été très, très... c'était difficile. Est-ce que pour la défensive des Bombers, c'est sûr que... Est-ce que c'est plus avantageux de se préparer pour Evans ou Mazzoli? Ça peut arriver qu'on voit si les deux. Si j'avais à l'identifier, puis j'étais la défense, dans le cœur de la défensive des Blue Bombers de Winnipeg, les Blue Bombers de Winnipeg ont vraiment la faculté et l'habileté à se rendre à un corps qui est, entre guillemets, mobile. Immobile. C'est moins mobile. Hein? Qui est dans la pochette, qui reste à l'intérieur, qu'on sait qu'il est à 5 verges et demi, 6 verges, 7 verges de profondeur sur certaines passes. On est capable de savoir à quel endroit il va se retrouver. Dans le cas de Mazzoli a peut-être un petit peu moins de précision dans ses passes. Plus mobile. Tentées, mais a la mobilité de se déplacer sur le terrain, d'acheter du temps et de libérer un Brandon Banks qui est extrêmement mobile et d'aller compléter la passe à un gars comme ça. Donc, je considère, moi, personnellement, que si tu veux te préparer adéquatement, prépare-toi pour Mazzoli et réagis à Evans. OK. Donc, c'est ça. Un carrière à deux têtes, c'est ça qui est difficile. Du côté des Bombers, le plan de match, j'ai utilisé Andrew Harris. Oui, du côté des Tiger Cats Hamilton, évidemment, c'est de se taper le jeu au sol. Mais ce qui est intéressant dans le cas de, excuse-moi, Zach Kolaros, dans le cas de Zach Kolaros, c'est que historiquement parlant, ça a été quand même un carrière qui était, je m'excuse du mot, parce que, c'est un carrière qui a démontré comme qu'il était frêle un petit peu, c'est-à-dire dès qu'il se fait cogner, il s'est fait blesser de façon importante tout au long de sa carrière, exactement, des commotions cérébrales, mais aussi des blessures à l'épaule, des blessures aux genoux. T'en viens avec un Zach Kolaros qui, cette année, pour moi, lorsque je regardais le film de Winnipeg, affrontait le défi. C'est-à-dire, probablement, puis ça a été un peu l'impact positif pour la Ligue canadienne de football en 2021, l'impact de la COVID. L'impact de la COVID 2020 a fait en sorte que certains vétérans ont su guérir des blessures, qui traînaient depuis certaines années, qui ne se sentaient pas bien dans leur corps, tu sais, parce qu'une saison morte dure 5 à 6 mois maximum. Puis lorsque tu as à avoir des chirurgies durant cette saison-là, de la saison morte, tu as à faire la réhabilitation de ta chirurgie, mais en plus de te préparer à disputer un football à haut niveau. Puis ça, c'est le sport professionnel en général. Donc, pour d'avoir une année entière dans laquelle tu peux te préparer adéquatement, physiquement, mentalement, à aborder la prochaine saison avec confiance. Quand je regarde Zach Kolaros, c'est exactement l'impact positif qu'il y a eu de la COVID. OK. Luc, si on parlait en terminant, tu y vas avec les Bombers ou les Tiger Cats pour le match? J'y vais avec les Tiger Cats d'Hamilton. OK, tu vois, donc l'avantage du terrain va sûrement jouer pour les Tiger Cats dans ce match-là. Je crois que les Tiger Cats vont pouvoir obtenir un championnat à la maison en fin de semaine. Si j'avais à mettre un score, j'aurais beaucoup de difficultés à l'exécuter. Quand je regarde le football que... Winnipeg se retrouve en finale de la Coupe Grey et ont quand même accordé 7 revirements la semaine dernière. Oui, 6-7. Sauf que je parlais avec Shane Gauthier là-dessus, puis Shane disait, puis il n'y avait pas tort, là, les Blue Bombers, ils ont eu un bail, une semaine. Après ça, il y a eu 2 matchs qui ont joué quasiment avec leur équipe B. Un match qui ont joué avec leur équipe B. Donc ça faisait deux matchs quasiment de fil. Et tu mets pas tu ne pèses pas sur le bouton on et off comme tu veux, hein? Non, je suis en accord avec ce que Shane t'approchait, mais il reste quand même que lorsque tu arrives dans les séries éliminatoires puis tu sais si tu meurs ou si tu survis, il faut que tu mettes la switch on. T'as pas le choix. C'est sûr, Puis c'est sûr. il faut que tu l'aies mis bien à l'avance. OK. Hey, Luc, Bien à l'avance. en terminant, j'ai une question à te poser. Tu es maintenant rendu un coordonnateur de la ligne défensive et Offensive, oui, offensive. offensive. Oui, offensive. Donc, moi, j'ai une question pour la NFL, OK? C'est plus pour la NFL que les Canadiennes. Pourquoi, selon toi, quand il y a des entraîneurs, je vais te nommer des excellents coordonnateurs, des Matt Patricia avec les Pats, les Wade Phillips avec les Eagles, les Dick Lobo avec les Steelers, Marvin Lewis, ça n'a pas été un grand entraîneur non plus. Ouais, avec les Bengals. Moi, avec les Bengals. Donc, Ouais. pourquoi ces coordonnateurs-là, qui ont été des excellents coordonnateurs de la défensive ou à l'attaque, un des deux, hein, quand arrive, tu peux même mettre Steve Spagnuolo, il y en a plusieurs, la liste est longue, là. Arrive le temps, ils ont un essai comme entraîneur-chef, ça ne fonctionne pas. OK, C'est si des j'avais à excellents vraiment mettre. coordonnateurs pourtant. Oui, je suis d'accord. Si j'avais à mettre vraiment comment dire, le pinpoint. OK. Tu sais, de vraiment mettre la chose la plus précise que je peux faire, c'est que la vaste majorité des occasions que ces entraîneurs-là ont ou obtiennent, c'est souvent parce que tu étais coordonnateur défensif ou offensif dans un grand club de la NFL, un Ouais. club performant qui se rend à ou qui aspire à être champion de conférence, champion de division Ouais. et champion C'est du souvent Super ça. Bowl. C'est souvent ça qu'on voit. C'est souvent que tu étais dans un grand club avec un paquet d'athlètes prêts à performer parce que tu fais partie du cœur de performance de ta ligue en général. Et l'opportunité que tu as de passer au prochain niveau est avec un club en construction. Tu prends le poste d'entraîneur-chef, dans le cas de Patricia, il a pris le poste d'entraîneur-chef avec les Lions de Détroit. Et c'est extrêmement difficile, les conditions sont difficiles, Mais tu c'est n'as pas la pas même job grand-chose non pour plus, hein. bâtir. Et en plus de ça, c'est que historiquement parlant, au terme de ta carrière propre, tu t'es occupé de soit de ta position, Ouais, c'est là. et OK. ensuite tu t'occupes de ton unité, mais tu t'es jamais occupé de tout de A à Z. Et quand tu es entraîneur-chef avec un club de football professionnel, que ce soit la NFL, la Ligue canadienne, la MLS ou la Ligue Voilà. nationale de hockey, tu as des comptes à rendre à ton directeur général, à ton président, à ton propriétaire, à tes partisans. Alors que quand tu es coordonnateur offensif, coordonnateur défensif, coordonnateur des unités spéciales, tu as des comptes à rendre à ton entraîneur-chef. Donc, c'est pas la même dynamique du tout, Non, du tout, du tout, en c'est termes de pas. responsabilité, en Ouais. termes de stress, en termes d'occupation. OK. T'as-tu aimé ça comme entraîneur cette année? Comme coordonnateur? J'ai adoré ça, Ouais. gérer la ligne à l'attaque. Je me considère extrêmement privilégié d'avoir le groupe de joueurs que j'avais cette année pour faire la transition entre joueur et entraîneur. Je ne pouvais souhaiter mieux. Est-ce que tu te vois comme entraîneur-chef un jour, que ce soit avec le Rouge et Or ou les Carabins ou les Alouettes? Tu peux être entraîneur-chef au niveau universitaire aussi, c'est une bonne job aussi. Est-ce que tu te vois éventuellement? Je le saurais en temps et lieu. OK, bon. Est-ce Perspective, que je me tiens. vois l'être un jour? Pour moi, en ce moment, dans ma tête, entre mes deux oreilles, je suis un Alouette. Et OK, je vais rester un parfait. Alouette. Là, tu es un Peu importe le politicien. rôle. Là, tu agis comme Non, politique. non, non, je suis pas un politicien. OK, Je dis là, tu agis en politique, tel parle en quel politique. qu'est-ce que c'est. OK. Je veux pas me lancer en politique. Je Non, dis mais juste que je suis un Alouette. ce que je te dis, tu parles en politicien, là. Luc, merci beaucoup. On se. Danny, Oui. je réfute cette OK, affirmation. Luc, Je suis un Alouette. on se parle bientôt. On a toujours le fun de te parler. On se reparle un autre tantôt. Ça me fait plaisir, Danny. Luc Pense à toi. Brodeur-Jourdain des Alouettes de Montréal. Merci, Luc, on se reparle. OK, Bye. c'est bon.